Guaru. Ré. Guaru. Bitch, eu tô de mais valendo. Eu tô de mais valendo. Bitch, eu tô de mais valendo. Eu tô de mais valendo. Valendo, valendo. Guaru. Ré. Guaru. Guaru, Guaru, bicho, tudo mais valendo. É tudo mais valendo. J'fais des sons insensés. J'ai des flots cadencés. Ils perdent le goût du challenge. Les mythes n'est pas avancé. Tellement on est avancé. La compète est perdue d'avance. Le rap est mal agencé. J'suis venu pour l'arranger. Trop cher pour toutes ces balances. Le rap est mal agencé. J'suis venu pour l'arranger. Trop cher pour toutes ces balances. J'apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Qui voulait me voir de haut, qui conçoit déjà de haut. On vit dans un monde de baisers. De baisers, baisers, baisers, baisers, yo. Assez de marionnettes, fond, fond, fond. Assez de marionnettes, fond, fond, fond. Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Je regarde devant ces bouffons. Bitch, autour de moi, je vois où elle. Autour de moi, je vois rien. Bitch, autour de moi, je vois rien. Autour de moi, je vois rien. Je vois rien, je vois rien. Guaru, rien, Guaru, rien, Guaru, rien, Guaru. Bitch, autour de moi, je vois rien. Autour de moi, je vois rien. The Independent Commission of Investigations has commenced their probe into last night's fatal shooting of six men in an alleged gun battle with members of the security forces. I pull up, I pull up, bang. I pull up, I pull up, bang. I pull up, I pull up, bang. Shoot on bang, shoot up, swing. I pull up, I pull up. I pull up, I pull up, I pull up, bang. I pull up, pull up. I pull up, I pull up, bang. Smoke le blunt, sort le gun. Shoot le game juste pour le fun. Fais de l'espace pour retourner au sol. 80 zones d'où pour le homeland. Smoke le blunt, sort le gun. Shoot le game juste pour le fun. Fais de l'espace pour retourner au sol. 80 zones d'où pour le homeland. Je reviens de l'avenir, you know what I'm saying. J'fume de la jeune comme les cheveux d'un saint. J'fais pas le ménage, gros, le rap, j'ai le balai. Leur maximum ne vaudra pas ma moyenne. Emerald City. Oh Siri, O'Reilly Siri s'écrit en Brian. Bitch le flow est chaud comme piment Cayenne. J'm'impose comme Franck Ribéry au Bayer. J'fais pas le fou, j'en qui un max. Oui. Sors des projets, baby la niax. J'joue pas les fous, gros relax max. Ouais. Ou j'te refais la face au pic à glace. I pull up, I pull up, bang. I pull up, I pull up, bang. I pull up, I pull up, bang. J'suis dans le bang sous l'upswing. I pull up, I pull up. I pull up, I pull up, I pull up, bang. I pull up, pull up. I pull up, I pull up, bang. Smoke le blunt, sort le gun. Shoot the game juste pour le fun. Fais de l'espace pour retourner au sol. 80 zones d'où pour le homeland. Smoke le blunt, sort le gun. Shoot the game juste pour le fun. Fais de l'espace pour retourner au sol. 80 zones d'où.